l'ordre des choses s'est enfin mis en place. Je sais si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je chantons gloire, gloire, nous chantons gloire. tes pieds, Majesté, nous t'offrons nos louanges. Pour à tes pieds, Majesté, nous contemplons ta grâce, nous chantons, nous chantons gloire, oui nous chantons gloire, gloire à Jésus, nous chantons. Chantons gloire, il est dit, nous chantons gloire, Seigneur tu dis à l'agneau, nous chantons gloire, nous chantons gloire. Il est digne de gloire, Jésus. Tu es digne de gloire. Toi, l'agneau de Dieu. Oh, alléluia. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia. Nous chantons gloire à l'agneau de Dieu. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien bien. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, tous verront combien. Combien Dieu est grand, chantons combien. Combien Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand, chantons-le combien. Dieu est grand et tous verront combien. Combien Dieu est grand, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Alléluia. Digne de la louange et l'honneur. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Il est digne d'adoration. Alléluia. Oui, je chanterai, oui, je chanterai que tu es grand, Jésus. Oui, ton nom est tout puissant, ton nom est élevé et digne de recevoir la louange et l'honneur. Oui, je chanterai devant ton trône, que tu es grand, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Oh, alléluia. Oui, ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant et digne de louange. Et je chanterai, oui, je chanterai combien tu es grand. Ton nom, ton nom, ton nom est tout puissant. Il est digne de louange. je chanterai combien tu es grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai combien tu es grand. Oui, ton nom, ton merveilleux nom, le seul nom qui soit élevé, placé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Ce nom est tout puissant. Pour guérir, sauver et délivrer. Merveilleux nom de Jésus, merveilleux nom de Jésus. Il est grand, il est grand. Et les êtres crient, oui, devant ton trône, car tu es dit. D'être adoré, je chanterai combien tu es grand. Merci parce que tu es là. Nous venons dans ta présence, nous prosterner devant toi, Seigneur. Seigneur, nous n'avons pas la force parfois de venir dans ta présence, alors conduis-nous. Conduis-nous toi-même dans ta présence. Guide-nous vers ta gloire, Seigneur. Nous désirons une seule chose, c'est d'être près de toi aujourd'hui, maintenant, Seigneur. Ô Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Ô Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer, Jésus. Ô Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Ô Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi, conduis-moi dans ta présence. Je t'aime, Seigneur. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. voir, Seigneur. Je voudrais voir ta face, oh Dieu. Juste réclame la présence du Seigneur et dis-lui que je veux être près de toi, Seigneur. Près de toi, Jésus. Près de toi, merveilleux tu es. Merveilleux tu es. Je veux être près de toi. Accompli grâce, merveilleuse grâce. plus grâce. À la croix, tout mon péché est Alléluia.